Chapitre 32e. 2 ans se sont écoulés. Une congestion cérébrale, compliquée d'une sorte de fièvre chaude, a mis la vie de Jacques en péril. Pendant 3 semaines, il a été en proie au délire et à d'horribles hallucinations. Maintenant, il ne conserve plus de cette redoutable crise et des événements qui l'ont immédiatement précédé que le souvenir confus d'un cauchemar. Monsieur de Garamante, qui pendant 4 mois l'a soigné avec la tendresse d'un père, on sait plus long que lui sur les causes de la congestion foudroyante qui l'a terrassé. Des mots incohérents prononcés par le malade au milieu du délire, quelques indications naïvement fournies par la concierge qui ne se doute de rien, ont permis au comte de deviner ce qui s'était passé. Il est allé trouver Madame de Morincourt et a eu avec elle une explication catégorique. « La mort de Mareuil, a-t-il dit, doit vous suffire. Il ne faut pas que Jacques, qui ne se souvient plus de rien, sache jamais que vous êtes venu chez lui. » Le médecin affirme qu'une nouvelle crise ne manquerait pas d'entraîner la folie ou la mort. Pensez-y bien, madame. » André, profondément humilié, n'a fait aucun effort pour le revoir pendant sa maladie. Ce n'est pas seulement avec colère, mais aussi avec épouvante qu'elle se rappelle les paroles, l'air et le geste terrible d'Henriot quand il l'a chassé de l'atelier. Pour plus de sûreté, le comte a emmené son ami en voyage dès que le progrès de la convalescence l'a permis. Ils ont passé 3 mois à Nice. Au bord de la mer bleue, sous le bon soleil, Henriot s'est tout à fait remis de cette rude secousse. « Mais enfin, a-t-il demandé à son compagnon, vous ne me dites toujours pas ce qui s'est passé avant le moment où l'on m'a trouvé évanoui dans mon atelier. Rien. Vous vous étiez surmené tout l'hiver. On ne travaille pas impunément 10 heures par jour pendant 3 mois, même avec votre vigueur. Votre triptyque vous aura valu, outre la croix et les 20 000 francs qu'on vous l'a payé, un bon accès de fièvre chaude. Voilà tout. C'est étrange, murmura-t-il. Puis il n'y pensa plus et crut que quelque rêve lui avait laissé cette réminiscence troublante d'un corps souple et mince qu'il aurait pressé contre sa poitrine. De retour à Paris, Jacques s'est remis au travail. Il gagne maintenant 50 000 francs par an et en gagnerait bien davantage s'il voulait faire du métier. Il a loué à Auteuil une petite maison avec un atelier et un jardin. Monsieur de Garmante a promis de quitter son appartement du Cercle et de venir s'installer auprès de lui. Le comte aura la disposition du premier étage, Henriot celle du second. Le rez-de-chaussée, qui comprend cuisine, salle à manger, salon, billard et antichambre, sera commun. Ils vivront ensemble, chacun gardant sa liberté et payant la moitié du loyer ainsi que des frais d'entretien. Cette combinaison leur sourit fort à tous deux, car ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. L'amitié virile qui les unit est nuancée de respect filial d'un côté et de l'autre de tendresse paternelle. Au contact du vieux gentilhomme, Jacques a beaucoup gagné. Il s'affine de jour en jour et ajoute à sa distinction native un peu de cette aisance simple et noble qui donne si grand air à son ami. Dernièrement, le comte a acheté un code et lu avec beaucoup d'attention les articles relatifs à l'adoption. Hector Passemard est toujours député. Il siège à gauche, vote à tort et à travers, élève et renverse des ministères sans trop savoir pourquoi, par habitude peut-être, et parce qu'il faut bien faire quelque chose quand on est à la chambre. Il n'a pas encore eu de portefeuille, mais sait que son tour viendra. Sa compétence d'industriel paraît le désigner pour les affaires étrangères. Si Passemard n'ose plus dire tout haut, sans rire, que la République est le gouvernement qui coûte le moins, il pense tout bas que la carrière de républicain est celle qui rapporte le plus aux députés. On prétend qu'il porte un vif intérêt au marché passé par les diverses administrations de l'État et qu'il est en bon terme avec plusieurs gros entrepreneurs ou fournisseurs. Mais ce sont là propos réactionnaires, il n'y a pas de preuves. Il a un pied dans tous les ministères, assiège les bureaux, nomme, révoque, avance, déplace depuis le préfet jusqu'au garde champêtre dans son département, obtient des bourses, des exemptions de services militaires, des bureaux de tabac, des palmes académiques et des croix. On cite à Paris 2 conseils d'administration dont il ne fait point partie. Et pourtant il commence à trouver que les affaires du pays ne marchent plus aussi bien depuis que les siennes vont mal. Des spéculations malheureuses, les folies de Maxime qui a dissipé des sommes énormes à vouloir monter son écurie de course, ont décidément compromis la fortune du raffineur. Des doutes commencent à lui venir sur la sagesse de l'éducation qu'il a donnée à son fils. « Je te le disais bien, soupire mélancoliquement Madame Passemard, que tu avais tort d'encourager la passion de ce garçon-là pour les chevaux. Oh, les chevaux, J'aimerais mieux les femmes. C'est la même chose, répond Passemart. Courir ou faire courir, vois-tu, c'est tout un. Madame de Morincourt a essayé de la littérature pour se consoler de ses mécomptes amoureux. Elle a écrit un petit volume de pensées. L'ouvrage, qui conclut au néant de tout, est d'une métaphysique obscure et précieuse. Il ne semble pas que l'auteur se comprenne très bien lui-même, ce qui donne à son livre un air de profondeur. Le vicomte a daigné applaudir à la tentative. Il est charmé du titre qu'elle a trouvé « Nirvana » et admire beaucoup la richesse de sa langue philosophique. André, en effet, grâce à des cahiers d'expression qu'elle avait fort soigneusement composés autrefois, manie ce jargon spécial avec une certaine dextérité, qui fera presque croire qu'elle est du métier, à ceux qui n'en sont pas. Roger a maintenant pour sa femme des égards de confrère. Il a fait faire par le maire une petite édition à exemplaires numérotés. On les distribue aux amis sûrs. Deux comptes rendus très élogieux ont déjà paru, l'un dans la soirée parisienne, l'autre dans une petite feuille du Quartier Latin, le Névropathe, où Morincourt publie de temps en temps quelques vers. Veloutine a comparé la vicomtesse à Sappho et à Madame de Staël. Cela fait toujours plaisir. André s'aigrit à son mari du petit succès qu'elle lui doit. La publication de Nirvana a marqué dans la vie de la jeune femme la fin d'une période. C'est le testament d'André, une sorte de chant du cygne que l'ami de Mareuil et d'Henriot a entonné avant de se transformer. Madame de Morincourt a depuis lors inauguré une manière nouvelle. Elle s'est décidément installée dans la vie conjugale et ne cherche plus à en sortir. La malheureuse expérience qu'elle a faite de la passion n'a pas peu contribué à modérer ses instincts romanesques. La naissance d'un fils a presque achevé sa conversion. Elle s'est résignée sans trop de peine à l'appeler Ernest au lieu de Raphaël ou de Sosthène, nom qu'elle aurait exigé 3 ans auparavant. Il n'y a pas eu moyen d'empêcher qu'elle nourrit cet enfant. Au bout de quelques mois, sa mère dut même lui faire honte de trop aimer à montrer certaines parties roses et potelées du poupon, l'orgueil des nourrices. « Tu finiras par l'enrhumer, » a dit Madame Passemart. Et il n'a pas fallu moins que cette crainte pour lui faire entendre raison. La métamorphose d'André a fait de nouveaux progrès depuis qu'elle est mère. Ce qu'il y avait eu en elle d'artificiel et d'acquis tombe peu à peu. Il s'opère en cette jeune femme comme une sorte de retour offensif du bourgeoisisme, qui était dans son sang, et qu'il n'avait réussi à conjurer qu'en forçant sa nature. Elle engraisse beaucoup et commence à ne plus composer ses toilettes avec autant d'art. Elle aime maintenant les vêtements amples et commodes, les sièges larges, bas, où l'on enfonce, passe des journées entières en peignoir, à manger de petits gâteaux et à boire du sirop de groseille. Elle ne fait plus du tout de peinture, à peine un peu de musique, mais s'intéresse aux choses de sa maison. Recommande à sa cuisinière d'acheter les pommes de terre en gros, compte le linge sale elle-même, et réussit les confitures d'abricots au point de rendre jaloux sa mère, qui lui a donné la recette. Toutefois, on reconnaît l'ancienne André à certains traits qui subsistent encore. Elle s'est mise à faire des confitures, mais aussi de la politique, ce qui est plus facile. Le faubourg Saint-Germain n'a décidément pas voulu donner à la femme du vicomte déserteur les lettres de naturalisation qu'elle eût été singulièrement flattée d'obtenir. Par rancune, la fille de Passemart, qui d'ailleurs s'était toujours piquée de libéralisme, a passé avec son mari à l'extrême gauche. Elle affecte aujourd'hui les opinions les plus avancées, place volontiers de petits développements socialistes que le pauvre Mareuil s'était amusé à lui apprendre autrefois, se montre de temps en temps à la chambre les jours où l'on doit entendre quelques ténors de l'intransigeance. André juge tout à fait galant d'être à la fois vicomtesse et jacobine. « C'est l'hymen égalité, » a dit d'elle M. de Garamante, « bas bleu et bonnet rouge. » Depuis que la paix, sinon l'amour règne dans son ménage, et que, sans estimer beaucoup son mari, elle se résigne à le prendre tel qu'il est et à le dédaigner un peu moins, André consent à recevoir les amis de Roger. Elle donne tous les 15 jours, pendant l'hiver, une petite soirée politico-littéraire où il ne vient point de femmes, seulement de futurs hommes d'État, de futurs écrivains, de futurs peintres, sculpteurs ou musiciens, tous méconnus comme Morincourt, mais tous remplis de talent, la réserve de l'avenir. On lit des vers, on révise la Constitution, on fait des théories à perte de vue sur la musique de Wagner et la suppression du Sénat. On parle de fonder une revue, dont Madame de Morincourt prendrait la direction et où les jeunes, les oseurs, seuls seraient admis. André a fini par prendre goût aux hommages de ces illustres incompris, qui lui dédie l'un sa valse, l'autre son sonnet, le troisième son livre d'études sociales. Elle n'a pas assez d'aristocratie native pour être bien exigeante sur la qualité de l'encens, pourvu qu'on en brûle. La vicomtesse s'est ainsi formée une petite cour, où chacun l'entretient dans cette pensée qu'elle est une femme supérieure, ce qui l'a conduite insensiblement à croire que Morincourt avait raison et que ce ramassis est une élite. Comme elle est pleine d'égards pour eux et s'ingénie à flatter leur vanité avec autant de soin qu'ils en mettent à chatouiller agréablement la sienne, André trouve beaucoup de zèle et de dévouement dans ses fidèles. Il la célèbre avec enthousiasme et colporte partout ses louanges. Il se fait ainsi autour d'elle une sorte de notoriété qui n'est pas de très bon aloi, mais dont elle se contente. La fille de Passemard est de ces ambitieux d'ordre inférieur qui aiment le bruit et acceptent, à défaut de la gloire, où ils ne peuvent atteindre, cette célébrité en gros sous dont on fait facilement l'aumône à Paris. L'autre jour, le comte de Garamante et Jacques allèrent à une soirée chez un grand peintre étranger, qui inaugurait par une fête le splendide hôtel qu'il s'est fait construire près du parc Monceau. Au fond d'un petit salon, Henriot aperçut Madame de Morincourt entourée de plusieurs hommes. Il eut de la peine à la reconnaître, car l'embonpoint qui l'a envahi modifie non seulement l'expression de son visage, d'un ovale autrefois si régulier qu'on eût dit une tête de statue grecque, mais même le caractère général de sa beauté. Elle a perdu la souplesse onduleuse de sa démarche, sa maigreur troublante d'androgyne. « Eh bien, dit M. de Garamante, comment la trouvez-vous ? » « Je ne la retrouve plus. Madame de Morincourt a enterré André. »« Oui. Et il faut que vous enterriez, vous, Madame de Morincourt. »« Tant pis, répondit le jeune homme en soupirant. C'était une grande artiste. Elle méritait de mieux finir. De profundis. » « Amen, » répliqua le comte. Ils s'en allaient quand ils entendirent la conversation suivante entre deux jeunes gens. « Quelle est donc cette femme en rouge au fond du petit salon ? Madame de Morincourt, tu ne la connais pas ? Non. Mais tu sais bien au moins le surnom qu'on lui donne. Pas le moins du monde. La muse des ratés. » Ainsi s'achève, d'une manière délicieusement cruelle, André de Georges Duruy.